c'est pas vrai, encore une chanson ? Eh ben ouais, encore une chanson. Mais intelligente cette fois-ci. C'est une lettre ouverte musicale aux flics. Que je dédicace spécialement à mon frère qui un soir s'est pris une baffe hein, par ces cons hein, de star quoi. Parole et musique, Tony Fomblard, c'est parti. Dans leur banlieue de Trimard, ils sont rentrés très très tard, dépités, rouges de colère, dégoûtés de cet enfer, qu'est le monde tel qu'il est le soir, régné par quelques foutus ch'tards, forcés à frapper Abdel pour un revenu mensuel. Oh flic fric, oh flic fric, oh yeah. La guerre jeune flic est déclarée, les racailles de toutes les cités, et flics inhumains sont formels, la connerie est éternelle, la loi oblige-t-elle forcément à frapper tout ce qui n'est pas blanc? Monsieur le gendarme, rassurez-vous, la parole vaut mieux que les coups. Comment peux-tu respecter cette gendarmerie mornée, quand en plus de galérer et de Lidl, t'as des coups de poing dans la gueule? Le flic fric, oh yeah, oh flic fric, oh yeah, flic fric, oh yeah. Je conchis ces beaufs de la police qui font régner une injustice, une non-liberté d'expression et une putain de sale prétention. Et ces milliers de tonnes de cons de vieux fascistes de Légion qui iront voter Sarkozy et ainsi soutenir le mépris de ces jeunes galériens de banlieue qui ne réclament rien de plus qu'un peu moins d'hypocrisie dans cette France pour laquelle ils ont tant de méfiance. Oh flic fric, oh, oh flic fric, oh yeah. Flic fric, oh, flic fric. Ainsi mes ultimes mots seront pour une révolte contre un profond racisme envers ces dignes wesh qu'on fout volontairement en dèche. Rappelez que les wesh ont un cœur rempli d'angoisse, de haine, de peur, et que ce n'est pas pour rien si stup n'est rien que l'anagramme d'une pute. Toutes mes insultes en finesse pour ces immondes CRS, et puis le reste de mes attaques contre la violence de la BAC. Oh yeah.